Today, I will try to explain about the senses, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking. I will not explain all the senses. If I explain about seeing or hearing, you might understand well, I think. That's why I will explain today with a story, true story, at the Buddha's time. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le fait de voir, d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher et de penser. Je ne vais vous parler que de voir et entendre. Si vous comprenez voir et entendre, vous pouvez comprendre les autres sens également. Et je vais vous expliquer voir et entendre en vous racontant une histoire qui s'est passée du temps du Bouddha. Du temps du Bouddha, il y avait un moine très érudit. Ce moine avait étudié les enseignements du Bouddha, mais il ne pratiquait pas la méditation. Il était très fier de ses connaissances du Dhamma, et le Bouddha voulut le corriger. Un jour, Puttila se rendit chez le Bouddha pour lui rendre hommage. Lorsque le Bouddha le vit arriver, il l'appela Puttila l'inutile. Puttila, l'inutile, arrive. Et lorsque Puttila s'en alla, le Bouddha dit, Puttila, l'inutile, s'en va. Puttila ne se fâcha pas, mais il se dit que le Bouddha était au courant qu'il enseignait le Dhamma à ce groupe de moines. Il comprit également que le Bouddha souhaitait qu'il pratique. C'est pour cette raison qu'il l'avait appelé Puttila l'inutile. Un jour donc, Puttila se décida à pratiquer la méditation, mais il le fit à l'insu des moines à qui il enseignait le Dhamma. Il quitta donc son monastère, prit son bol, ses robes, etc. et se rendit dans un autre monastère où 30 arhats séjournaient. Il alla voir le plus âgé de ses arhats, lui rendit hommage et lui demanda s'il voulait bien lui enseigner la méditation. Le plus âgé des moines, qui était donc un arhat, savait que Puttila était très fier de ses connaissances du Dhamma. Comme il était très fier, il refusa de lui enseigner. Il lui dit d'aller trouver un autre moine. Puttila se rendit alors chez le deuxième moine le plus âgé du groupe, qui était également un arhat. Mais ce deuxième moine plus âgé refusa également. Puttila se rendit alors chez les autres moines, les uns après les autres, tous des arhats, mais tous refusèrent les uns après les autres. Finalement, Puttila se rendit chez un samanera, un novice de 7 ans, qui était également un arhat. Ce jeune novice n'avait que 7 ans. Il était très jeune, mais cependant il était un arhat. Puttila Thera, quant à lui, voulait méditer. Il s'assit donc devant le jeune novice et lui demanda respectueusement de lui enseigner la méditation, tout en lui rendant hommage. Le Samanera lui dit, « Vénérable, vous êtes beaucoup plus âgé que moi, vous êtes très érudit. Vous avez une très grande connaissance du Dhamma. Vous l'enseignez aux autres moines. Je veux bien vous enseigner la méditation à condition que vous m'écoutiez. » Oui, répondit le moine Puttila, je vais vous écouter. S'il vous plaît, enseignez-moi la méditation, demanda-t-il humblement. Puttila connaissait toute la théorie, mais ce qui lui manquait, c'était la méditation. il voulait méditer et il cherchait quelqu'un qui allait pouvoir le guider efficacement. Son désir était tellement fort qu'il se prosterna devant le jeune novice humblement et lui demanda de lui enseigner la méditation. Si on est orgueilleux, il n'est pas facile de se prosterner. Il y a toutes sortes d'orgueil. Si quelqu'un est riche, il sera fier de sa richesse, orgueilleux d'être riche. Si quelqu'un a la beauté, il sera fier de sa beauté. Si c'est un homme de devoir, il sera fier d'être un homme de devoir. Putila avait beaucoup de connaissances du Dhamma. Mais sa manière s'en rendait compte, et lui dit qu'il accepterait de lui enseigner la méditation à condition qu'il veuille bien l'écouter. Putila lui affirma qu'il était prêt à l'écouter et à lui obéir. Mais le Samanera voulut tester l'intention de Putila. Il y avait un lac un peu plus loin, et subitement le Samanera demanda à Putila de se rendre au lac et d'entrer dans l'eau. Putila se leva immédiatement, se rendit au lac et s'apprêtait à entrer dans l'eau. Juste avant qu'il n'entre dans l'eau, le Samanera lui demanda de revenir. Putila, sans faire de commentaires, sans poser de questions, revint immédiatement. Le Samanera avait compris que Putila l'écouterait. Le Samanera comprit que Putila écouterait ses instructions. Il faut que nous retenions quelque chose de cette histoire. Lorsqu'on pratique la méditation, il faut suivre les instructions du professeur, sans quoi nous ne réussirons pas à pratiquer correctement. L'obéissance est très importante. Le Samanera avait testé l'intention de Putila, car il savait qu'il était très orgueilleux et il voulait s'assurer qu'il obéirait. Lorsqu'il constata que Putila écoutait et lui obéissait, il accepta donc de lui enseigner la méditation. Il lui enseigna la méditation par un exemple. Un lézard vivait dans un petit monticule de terre avec 6 trous. Quelqu'un qui voudrait attraper ce lézard, comment faire pour attraper ce lézard? Et Putila, l'ancien, comprit le sens de ses paroles. Telles étaient donc les instructions du Samanera à Putila. Putila pratiqua. Il pratiqua de façon diligente. Comment fit-il pour pratiquer? Les instructions qu'il reçut étaient les mêmes que celles que vous avez reçues. On vous a demandé de noter attentivement tout ce qui se manifeste aux 6 portes sensorielles. Vous avez dû noter voir au moment où vous voyez quelque chose. Lorsque vous entendiez un son, il a fallu que vous notiez entendre. Lorsque vous goûtiez une saveur, vous avez dû noter goûter. Au moment où vous sentiez une odeur, vous avez dû noter sentir. Au moment où vous aviez un contact physique, il a fallu que vous notiez toucher. Et au moment où vous pensiez, il a fallu que vous notiez penser. Mais revenons-en à l'exemple du Samanera. Comment faudra-t-il procéder pour attraper ce lézard? Ce lézard vit donc dans un monticule de terre à 6 trous. Si on veut l'attraper, il faudra fermer tous les trous, sauf un. Il faudra observer attentivement ce dernier trou et attraper le lézard au moment où il sort. Ici, vous notez entendre, voir, sentir, goûter, toucher. Au moment où vous notez attentivement ces contacts sensoriels, il n'y a aucune impureté dans votre esprit. Vous voyez, vous comprenez ce qui se passe dans votre corps et dans votre esprit. Si vous ne notiez pas ainsi, il y aurait constamment dans votre esprit du désir, de l'aversion et de l'ignorance. ce sont les impuretés. Il faudra donc, pour méditer, que vous fermiez les portes sensorielles avec l'attention. Vous observez et notez attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il est possible qu'à un moment, quelqu'un ou quelque chose vous vienne à l'esprit. Au moment précis où vous voyez cet objet ou cette personne, vous devez noter « voir, voir ». Vous le faites très attentivement et avec précision. Si vous notez « voir, voir » au moment précis où la vision se manifeste, vous pourrez constater que l'esprit s'est arrêté au simple fait de voir. Il ne va pas au-delà. La réaction « aimer, ne pas aimer » n'apparaît pas. C'est fermer la porte de l'œil avec l'attention. Vous pourrez constater par vous-même que si votre attention n'est pas très forte, la réaction « aimer, ne pas aimer » va se produire. Si vous n'êtes pas attentif au moment où un objet visible, agréable, se manifeste dans votre esprit, il est inévitable que la réaction « j'aime » se manifeste. Si vous procédez ainsi, cela veut dire que vous n'avez pas réussi à fermer la porte de l'œil avec l'attention. Aimer, c'est lobha, l'attachement, l'avidité. Ne pas aimer, c'est dosa, la colère, la malveillance. Nous devons donc essayer d'éviter de laisser pénétrer en nous lobha et dosa. Souvenez-vous, nous sommes des êtres ordinaires, des putujana, des personnes qui ne sont pas encore illuminées. Et nous nous complaisons donc dans les plaisirs sensuels. Lorsqu'un objet agréable se manifeste, nous aimons cet objet. Si la réaction « j'aime » s'est produite, les pensées non sages vont apparaître dans l'esprit, des pensées négatives. Lorsque l'objet est désagréable, nous n'aimons pas. Et si nous réagissons en n'aimant pas, les pensées non sages ou négatives vont également se manifester dans notre esprit. S'il y a des pensées négatives dans l'esprit, cela veut dire que l'esprit n'est ni pur ni clair. Lorsqu'on pratique la méditation vipassana de façon diligente, on voit clairement ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit. On voit clairement les processus physiques et mentaux. Même si vous n'avez pas étudié la théorie, si vous ne connaissez pas les enseignements théoriques, vous êtes cependant capable d'expérimenter grâce à votre attention. Le Bouddha nous explique qu'au moment où l'on voit un objet visible, au moment où la vision a lieu, trois choses sont présentes. L'œil, ou plutôt la partie sensitive de l'œil, l'objet visible et la conscience visuelle. Lorsque ces trois choses coexistent, on parle du contact. Parfois, le contact visuel sera très fort, parfois il sera faible. En ce moment, je porte des lunettes parce que le contact visuel pour moi est faible sans lunettes. Mais dès le moment où je porte mes lunettes, le contact visuel devient fort. Lorsque donc la partie sensitive de l'œil, l'objet visible et la conscience visuelle coexistent, il y a contact, fassa en pali. Lorsque fassa est clair et que l'on reconnaît l'objet comme beau, plaisant, agréable, la joie va apparaître dans l'esprit. La personne va se sentir heureuse. Mais si l'objet est reconnu comme vilain, désagréable, c'est le ressentiment et l'aversion qui vont se manifester dans l'esprit. Parfois, vous aimerez ce contact visuel, parfois vous n'aimerez pas. Aimer, ne pas aimer, c'est la sensation Vedana. Pourquoi la sensation s'est-elle manifestée? Parce qu'il y a eu contact visuel. À cause de la sensation, l'attachement va apparaître. Si nous ne notons pas voir au moment précis où nous voyons, il est inévitable que la réaction « j'aime » ou « j'aime » ou « je n'aime pas » se manifeste. Vedana va donc faire apparaître Tanha, le désir. Parfois, vous aurez un très fort désir pour cet objet. Il va rester imprimé dans votre esprit. Vous ne réussirez pas à l'éliminer de votre esprit. Vous ne pourrez plus vous en débarrasser. Je vous ai parlé les jours précédents des trois signes qui vont se manifester lorsque la personne est sur son lit de mort. Le mourant verra le signe de sa nouvelle destinée. Il verra dans quel plan il va reprendre naissance. Ceci est dû à l'attachement. On voit donc qu'à cause de l'attachement, le devenir se produit. Tout ceci, ce sont des processus mentaux, des processus de l'esprit. Si nous ne notons pas voir au moment précis où la vision a lieu, ces processus mentaux vont forcément se succéder. Mais vous qui êtes ici, vous notez voir au moment où un objet visuel apparaît dans votre esprit. Votre esprit ne va pas au-delà du simple fait de voir. La sensation agréable ou désagréable ne peut donc pas se manifester. Si la sensation n'apparaît pas, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'attachement. S'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de devenir. S'il n'y a pas de devenir, il n'y a pas de renaissance. C'est de cette façon que vous réussirez à éradiquer le désir. S'il n'y a pas de désir, si vous ne réagissez pas par aimer, ne pas aimer, au moment d'un contact sensoriel, l'esprit restera pur et clair, et vous pourrez expérimenter les bénéfices d'un esprit pur et clair. L'esprit est toujours affairé à quelque chose. Il est toujours occupé avec l'un ou l'autre des contacts sensoriels. On pense constamment, soit à un objet visible agréable, on voudrait regarder la télévision, on voudrait manger, etc. L'esprit est toujours occupé avec les contacts sensoriels. Mais ici, nous essayons de ne pas en arriver là. Lorsque vous voyez un objet, vous notez immédiatement voir. Ceci a pour conséquence que l'esprit reste paisible et calme. Il est pur et clair. Et en conséquence, il voit les choses telles qu'elles sont réellement, très clairement. Lorsque vous notez attentivement voir, au moment où un objet visuel se présente, vous pourrez constater que cette image disparaît instantanément. Lorsqu'elle aura disparu, êtes-vous encore en mesure de noter voir? Non, vous ne notez plus voir, puisqu'il n'y a plus d'image dans votre esprit. Cette image a disparu. L'esprit qui note disparaît donc également. Le yogi comprend clairement. Et c'est la même chose avec entendre. Si vous êtes capable de noter entendre au moment où un son apparaît, si vous notez attentivement, vous pourrez expérimenter la disparition du son. Si vous expérimentez la disparition du son, vous comprenez clairement en quoi consiste l'expérience dépend de l'attention. Les yogis réalisent de façon très différente, mais la compréhension est toujours la même. Parfois, ils vont expliquer à l'entretien que lorsqu'ils entendent des mots, ces mots se disloquent. Les syllabes se succèdent les unes après les autres, séparées l'une de l'autre. Parfois, le yogi explique que les sons lui viennent de très loin et qu'ensuite ils disparaissent. Les expériences sont donc différentes, mais la compréhension est la même. I think that's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. Through your practice, may you understand the Dhamma clearly. Then attain Nibbana. Amen.